grandiloquente et de caca total. Même dans leur pays aussi, totalement dedans. Un jour, là-bas, chez vous, encore plus de caca. Et un jour, pas hier, tu dégages. Tu dégages, mon petit papier. Et les mongols, on n'en a pas besoin, c'est ton mongol. Continue tes idées. Oh mon Dieu, la bonne ma gueule, j'ai la travaillée, croyez que ça fait mon bonheur, qui soit travaillé. Oh là là, mais bon cher ça. Ah ben, cocu là. Et votre clown de carnaval, on n'en a pas besoin là, ici. Hein. C'est justement les carnavals d'aujourd'hui, les enfants et adultes. Alors t'es cocu total ici. En vérité, tu dégages, on peut pas ton petit problème de santé ici. Vous un jour, vous êtes bien obligé, tant que vous puez, c'est pas soigné. Médicaments veut même pas vous soulever, alors tant mieux. Et même dans votre pays aussi, tu dégagerais tout ce cirque. T'as prouvé d'être une poubelle depuis que vous êtes né ici, des papiers étrangers. Et encore plus fort, une merde, le double. Sachant ça, va des dégâts.